Planet Rap. Ça, c'est via LD, ça, gros. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, ce soir. Planet Rap Vald. Et c'est parti pour une nouvelle semaine dans Planet Rap entre 20 et 21. Ravi de retrouver, j'ai envie de dire bonjour Vald. Ah, on t'entend pas en plus, comment ça va? Hey, ça va super bien. Tu as besoin bien. De te stabiliser sur oui, ton siège. Oui, tout à fait, j'ai été surpris. Ça va? T'es ouais, stabilisé, va tout va bien? C'est bon, on est stable, lourd. Où est-ce que tu es en forme? En forme olympique, évidemment. Est-ce que tu es prêt à attaquer cette semaine? Je suis prêt à l'attaquer, on attaque. Une ouais. semaine qui va t'emmener tranquillement vers la sortie. Évidemment. Évidemment. Vendredi. Vendredi, puisque les sorties sont le vendredi. Tout à fait, Thierry. De NQNT 2. 2. Parfaitement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui vont découvrir et qui ont loupé le premier NQNT? Alors, c'est la même chose, voilà. Donc, vous ne serez pas déroutés. En fait, c'est le même track. Voilà, on a changé les titres, évidemment. Les titres sont changés, mais. Cependant, non, c'est très qualitatif. On se laisse embarquer très facilement. Voilà, je veux dire, je vous prends dans le sens du poil, je vous bête. Bon. Il y a plein de belles choses, il y a de la poésie en fait sur beaucoup sur ce d'amour, beaucoup d'amour, de la poésie. Évidemment, évidemment. Beaucoup de toi. Beaucoup de moi. Hein. C'est vrai, hein. Ah ouais. Beaucoup de moi. Il y a de l'amour. Voilà. C'est ça. Mais le mieux, c'est quoi? Pour avoir un bon aperçu de NQNT 2. Voilà, je pense ouvrir tout cette magnifique balle avec évidemment la politesse. Avec la politesse, bonjour, mais juste avant, j'ai un autre petit cadeau pour toi. Ouh, pardon. Un medley de ce projet NQNT 2 qui arrive vendredi. Incroyable. Pour se plonger directement dans le projet. Lourd. Ça te dit? Je suis prêt. Écoute ça. Planet Rap. C'est le retour de Stallone. Bastos c'est sûr à l'honneur et j'ai du Toshimaron. Des allures de Glander, la musique c'est paro. Cerveau dans un grinder, les vis et chemises à carreaux. Des allures de Frank. Il est parti chez lui. Bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère. Pour enfin niquer sa mère. Ouais. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Planet Rap. Pas seul dans le bois. Bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit. Reste pas seul dans le noir. Boogieman est en bas. Et ce bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit. Reste pas seul dans le noir. Planet Rap, Planet Rap. J'ai des kidams qui dorment ici. Kidams qui dorment ici. Kidams qui dorment ici. J'ai des kidams qui dorment ici. Dis-moi qui est le cador. Qui a d'énormes missiles. Qui a d'énormes missiles. Ouais, qui a d'énormes missiles. Planet Rap. Bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Elle me dit c'est naze ton proverbe, veut rien dire chouchou. J'ai dit c'est ça, c'est comme ton amour pour le flouze. Elle me dit VA, faut bien que je me poupoune. Et je me refasse faire les goudes. Là je m'en bats les couilles, j'ai d'autres Planet cartes sous le coude. Je déteste rap. Mon quartier, tout est moche, tout est gris. Y'a tout qui hoche, c'est terrible. Assis seulement, j'étais riche. Assis seulement, j'étais riche. Sur la joue, elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y a des gens autour. Planet Rap. Planet Rap. Une garrette, un verre d'eau, une garrette, première pause, une garrette, une barrette, une semaine, une barrette, une soirée, une barrette, une barrette. Tu me donnes des thunes, balèques, tu galères, tu vas me payer ton grec une fois. Tu balais, tu se marais, plus pareil, tu m'en fais. Planet Rap. Planet Rap. Je veux du taga pour mon anime. Ta gueule quand on arrive, laisse ta place à mes serviettes. Je veux du taga pour mon anime. Ta gueule quand on arrive, laisse ta place à mes serviettes. Planet Rap. Planet Rap. Drogue pas, drogue pas. Normalement, je me drogue pas. J'essaie de marcher droit. Y'a que le dealer fait des croches pas. Cauchemar, cauchemar. Sur le boulevard Haussmann. Y'a que les clochards et le cul de pillon. Planet Rap. Pas à travers qu'est-ce qui se passe. Je fais des doigts derrière le plexiglas. Je te rappelle jamais, ça me déshydrate. Me demande pas qui fume des chichas. Puis prends la faute avec la fumée. Pas les couilles d'être affublé comme l'année dernière adulé. Avec j'offrais le gabulé. Ce soir est assez froid pour être le prochain scénario d'un Far West. Far à paupières et asphalte pour tabouret. Ce soir ne va pas jouer. Ce soir ne va pas tourner autour du pot. Ce soir va ta journée du con. Le soir c'est ma journée. Du coup, t'es agenouillé souvent. L'ocre ploie sous l'ironie. Et le poids de son ventre comprend. Planet Rap. Voilà un aperçu donc de ce qui vous attend dans les bacs vendredi. Très chaud medley, je n'ai jamais chaud. Écouté NQNT2 comme ça. Tu as vu? C'est fort. Ça va vite en fait. On devrait presque le vendre comme ça. je me demandais d'ailleurs, n'hésite pas à le rajouter en bonus. Ouais, non, très chaud, très chaud. Puisqu'on peut précommander, je rappelle, cet album, ce projet NQNT2. Tout à fait. Même la version physique. C'est vrai. On peut y aller dès maintenant. Par exemple, imaginons qu'on a écouté le medley, on se dit putain merde. Ah, il me le faut. Direction Fnac.com, tac tac tac, ou bien iTunes. Ce que selon vous les moyens, voilà. Selon les moyens du bord. Les goûts aussi. Selon les goûts aussi. Évidemment. Et vous tomberez donc sur Val, ça sort vendredi. Tu veux nous présenter peut-être des gens qui sont autour de toi? Je connais un, bien évidemment. Enfin, plusieurs, mais un en particulier. Ouais, faisons le tour de table. Faisons un petit tour de table. Le célèbre Teufa maintenant. Le célèbre, hein, le producteur. Qui nous a ambiancé tout l'été avec le morceau qu'il a produit pour Chris Cab. Voilà, ce genre de truc. Ce genre de morceau. Bon. Enfin, voilà, ouais, j'aimerais bien aussi que. Il y a des morceaux à Val qui ambiance tout l'été. Bah, c'est bien, tu travailles l'été 2016. Ouais, regarde, on commence au mois de septembre, c'est bien. On non, selfie, selfie, on aurait pu. C'est vrai que selfie, alors ça, on en reparlera cette semaine aussi. Ce clip, ces clips événements, hein, d'ailleurs, qui ont été diffusés sur différentes plateformes selon les heures de la journée aussi. Mais on aura l'occasion. Selon les âges. Selon les âges aussi. On aura l'occasion d'en reparler durant la semaine. Comment ça va, Teufin? Ça va très bien. Un petit mot pour présenter Vald. Tu dirais quoi, toi? Non, je dirais atypique, fou. Et génial. Waouh. Rien à dire. Tu es habitué autant de compliments ou pas, Val? Franchement. De toute façon, on se parle que en compliments avec toi. On se voit. Non, mais c'est vrai que moi, c'est moi qui suis venu le chercher et j'avais eu un coup de cœur sur une de ses vidéos qu'il avait faite où c'était un genre de plan. Il avait des lunettes, il rappait sur un canapé. Mmh. Il s'appelait Smiley. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir ça. Allez cliquer dessus, ouais. Ouais. Et c'est vrai que bah, j'ai envoyé des mails, je me suis dit putain lui je le veux. Et tu l'as eu. Ouais, non mais c'est-à-dire quand ça, c'est une belle histoire. Quand je le veux. Et surtout, c'est que le mec m'a pas répondu. Ah au début il voulait pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il savait même pas, il s'en foutait. Non, tu veux donner ta version peut-être, voilà, Vald, non, parce que je l'ai déjà expliqué, c'est que je mettais pas bien un visage sur Teufa, je voyais pas très bien c'était quoi, qui. Et voilà, après on m'a dit, et j'étais ouais, c'est lui quoi. On va aller manger. Et alors depuis Ouais, une grande histoire d'amour. Tout se passe bien. Voilà. Bah, on fait des clips sur plusieurs plateformes. Voilà, c'est ça. T'as eu quel rôle toi dessus, Teufa, sur le projet? Ben. C'est-à-dire qu'on est un producteur vraiment, mais c'est vrai que je voulais pas toucher à son délire artistique, donc je l'ai vachement laissé libre de ses folies. Mais sur les clips et l'image, on se parle beaucoup. On a, en tout cas sur les selfie, concepts, on s'est beaucoup parlé. Non, pas que sur le clip selfie. Pas que sur selfie, mais en général, on se parle beaucoup sur ça et les directions qu'on va prendre. Mais c'est vrai que je voulais pas du tout. Toucher ce truc complètement barré qu'il a. Ouais, et j'avais peur de trop. Si je rentrais là-dedans, j'avais peur de trop lisser, alors que c'est que ce que lui il a besoin, c'est vraiment ce délire artistique, sa folie là, c'est ce qui me plaît en réalité chez lui. Et même moi, je suis chiant. Je lui dis ouais, laisse-moi tranquille. Ouais, ouais. Laisse tomber, je sais ce que je fais. Voilà. Mais ouais, pour les clips, ouais, on est ensemble. Grosse collab pour les clips. Et bon, on en reparlera encore avec Teufa. Continuons ce tour de table aussi, Val, s'il te plaît, avec les gens autour. Gauche, celui qu'on blase AD. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que c'est celui qu'on blase AD. Il y en a d'autres des AD, mais c'est celui-là qu'on blase. C'est AD. Voilà. Ouais. Bah, bienvenue. Bah, le backer depuis toujours. Donc AD, il a quel rôle autour de toi, Vald? Il est backer. Il est backer, il a été producteur, même encore aujourd'hui, il fait des prods. On est très proches l'un de l'autre et il est très chaud rappeur. Ouais, j'adore. Et bon, on aura peut-être un aperçu tout à l'heure en live. Maybe. AD, non? Moi, je trouve que c'est plus un backer, AD. Hein. Il a vraiment. Lui aussi, il a son délire artistique. Et c'est un vrai rappeur à part entière. Tu connais Teufa? C'est gentil. Tu connais Teufa? Non, c'est la première fois. J'ai l'impression qu'il est intéressé. Qui est-il? Mais qui est-il vraiment? Bon, bah, des bienvenus. Continuons aussi ce petit tour de table, Vald, à moins que. À la gauche de celui qu'on blase AD, nous avons le grand INCH. INCH. Le grand beatmaker. Le fameux, évidemment. Voilà. Je crois que c'était bien résumé. INCH. Ouais, un petit mot, tu veux dire quelque chose aussi sur Vald? Un petit témoignage? Bah écoute, un souvenir. J'ai envie de dire qu'on lui a fait faire son premier concert avec mon poteau Altarba. Chiche. Il est venu chez moi et je lui ai dit bon, alors comment tu fais d'habitude pour tes concerts et tout? Il me fait bah j'en sais rien, j'en ai jamais fait. Chiche. Du coup, on a passé l'après-midi à essayer de construire son concert. Ouais. J'avoue que j'ai un peu flippé sur le moment. Il me fait bah j'ai pas de backer, j'ai rien. Mais il s'en est très bien sorti. aussi. Exactement. Et depuis, c'est c'était Tommy Smith. Et depuis, c'est une tournée internationale, j'ai envie de dire. Il y a plein de dates à vous filer. Voilà. T'es partout. Voilà, il n'y a plus que le Maghreb auquel on ne va pas. on peut dire quelques dates, pourquoi pas. Vas-y. Alors, le 25 septembre, en fait, le jour de la sortie, on est au Ninkasi Kao pour fêter. À Lyon. Voilà, exactement. Tout de suite après le Planet Rap, on se lance là-bas. Exactement. Le 30, nous serons évidemment à la Maroquinerie, incroyable. À Paris. À Paris, c'est la teuf. Le 1er octobre, on est au Rockstore à Montpellier. Le 10 octobre, on est au festival Zika Metz à Metz. Parce que Zika Metz, ça rappelle très bien Metz en fait. Le 16, on est au festival de Marne à Ivry. Évidemment, on ira voir tout le 94. Que de l'amour. Le 17, on est à Montreux. Le 31, bref, je pourrais. Bon, il y a d'autres des dates. Des plombes. Et on en reparlera cette semaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et parlons tout de suite de ce projet qui sort vendredi avec notamment un morceau. C'était le premier extrait, celui-ci, Bonjour, non? Exactement. Ou il y en a eu d'autres avant, non? Oui, juste... c'est le premier. On a c'est le premier le bal, extrait. Et allons-y, continuons à ouvrir le bal. On écoute Bonjour, c'est Vald, notre invité. Vos hashtags, le hashtag de la semaine, c'est Vald sur Skyrock. Bye bye. Balancez plein de messages. Dans un instant, je te filerai aussi le portable qui fait le tour du rap français. Incroyable. Il commence à devenir collector. Est-ce qu'il est. Enfin, je veux dire. Est-ce qu'il s'est désinfecté entre chaque émission? Le week-end, il est récuré. Il est bien propre. Je vais te le rendre dans un instant. On sait toutes les rumeurs sur les portables et les microbes. Ne bougez pas, dans un instant, on file le portable. Vous pourrez appeler directement Vald avec un numéro qui est. Je peux vous filer le numéro déjà, 06 71 74 84 15. Et là, on écoute Bonjour, c'est parti. Il a pas dit bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais te niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère, pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Mais ne te gagne pas, c'est un tapin, c'est ton gagne-pain. Mais ferme ta gueule. Viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut tronquer ta vie contre un potato. Ou un tempo. Tu as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé. Parce que le mec s'est vengé. Il a dit tout est mort, fils de pute, je vais les manger. Cimetière communal, lui check toutes les pierres tombales. Village de trois croix gammées, lui trouve la tombe à mémé. Il déterre la vieille, les vers l'ont désossé. Donc il régurgite sur les fleurs déposées. Du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère, pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. En fait l'histoire est plus complexe, c'est-à-dire que le mec a dit wesh. Mais il a pas regardé dans les yeux. Les yeux c'est le reflet de l'âme, deux frelons quand tu dis wesh. Faut regarder dans les yeux. Mais le mec a dit wesh, à tes mains ses pieds. C'est là que j'ai oui, je vais niquer la mère de ta mère. Pour enfin niquer ta mère. La regardant dans les yeux. C'est parti de pas grand chose. Ça rend nos parents chauds. Ferme une parenthèse. Enfin. En charentaise. Le mieux. Les histoires vont trop vite, poteau. Fais gaffe à toi, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu sors, poteau, sors couvert, sors protégé. Pense à tout ce que tu peux, à tes amis, si tu peux te protéger toi-même. Avec des gilets pare-balles, avec des genouillères, avec des coudières, poteau. Prends un casque, prends un truc pour protéger ton menton, ta mâchoire, ton pif, poteau. t'es dans la merde sinon. Fais gaffe à ce que tu dis gros, fais gaffe à qui tu dis putain. Le mieux c'est que tu fermes ta gueule. Et tout se passera comme prévu. Val, d'à l'instant, bah sur Skyrock, bah entre 20 et 21, le morceau qui s'appelle Bonjour, et regarde les gens qui demandent, qui te voient d'ailleurs en ce moment, hein, sur le skyrock.fm, sur l'application Skyrock, ils te voient en direct, ils disent, lourd. Je veux... Où est-ce qu'on peut trouver le même pull que Val? D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un pull gris avec marqué Bonjour, en fait. Exactement. Écoute, où est-ce qu'on peut le trouver? On va me le dire. Sur t-shirtipop.com, voyons. Voilà, sur t-shirtipop.com. Tu as des assistants qui savent ce que je dois dire, effectivement. Qui ont des voix particulières, hein, qui sont. Voilà. Tout le monde est particulier. Ouais, tout le monde est un peu particulier autour de Val. D'ailleurs, un petit mot quand même sur ce morceau, Bonjour. Oui. Qui est né comment, Val? C'est né d'une manière très naturelle. Je veux dire, j'ai pensé au morceau, je l'ai fait. Normal. Je pense que ça résume. Ça résume. Plus ou moins la situation. Non, mais je me suis dit peut-être qu'on t'avait pas dit bonjour, c'était énervé. Non, mais même pas, c'était plus simple que ça en fait. Non, effectivement. Bon, alors dans ce cas-là, c'est bien plus profond, évidemment. Je déteste les gens qui disent pas bonjour, mais surtout qui regardent pas dans les yeux. Je trouve que. Me touche pas dans ce cas-là. Va te faire foutre. Tu sais, quand tu dis bonjour, mais que tu tournes la tête et que t'es déjà sur un autre cas en fait. Avec la main un peu mollasse là. Ouais. Non, ça non. Ça passe pas. Voilà, ça. Voilà. Donc c'est ça qui t'a inspiré en fait ce morceau. En fait, c'est voilà. Une main mollasse et un regard détourné. Voilà. Même des souvenirs d'enfance, hein, de mon frère qui me dit bonjour et moi je m'en bats les couilles et qui me met des tarpes pour me dire gros, je te dis bonjour, respecte-moi. Grand frère. Voilà, tout à fait, grand frère. Ouais. Ça serait chiant de me prendre des tarpes par le petit. Ceci dit, ouais, voilà, c'est très profond. Ceci dit, le petit, mon ami aussi. Non, le petit n'existe pas. Encore. J'espère qu'il n'arrivera jamais. Bon, NQNT2, ça sort vendredi avec Vald. Vos messages à Vald, vous les balancez avec le hashtag Vald sur Skyrock. Je t'avais promis de te filer ce portable. Incroyable. C'est le portable qu'a eu McTayer entre ses mains. Lourd. Maître Gims. Lourd. La semaine dernière, c'est Alonso qui avait ce portable. Non. Et le numéro pour joindre donc Val directement, c'est le 06 71. Quand tu veux. Ah bon. 06 71 74 84 15 pour joindre Val dès maintenant. Accès direct à Val et pendant toute la semaine dans Planet Rap entre 20 et 21. 06 71 74 84 15. Tu vois, regarde, ça décroche. Allô. Allô. Allô. Bonjour. J'ai l'impression que je ne vous entends pas parfaitement. Oui. Vous m'entendez? Oui. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ma foi. Fais aller. Demande s'il veut pas parler peut-être à McTayer ou à Alonso. Pardonne-moi, savez-vous que c'est le portable de Val d'ici? Oui, je sais que c'est le portable de Val. Ah, c'est un excellent début. Voilà. Et alors, oui. Donc, pourquoi il a appelé? Et comment vas-tu? Pourquoi appelles-tu en fait? C'est ça le jeu. Pourquoi appelles-tu? Oui, je voulais connaître tes futurs projets. Ah. Eh bien, ma foi, mes futurs projets ce soir, je dois aller jouer à FIFA. Apparemment, ils inaugurent un truc. Donc on va aller là-bas. J'ai des répétitions absolument énervantes et épuisantes pour demain et après-demain. Je vais pas te cacher que ça me casse bien les couilles. Pour finalement être à Lyon donc le vendredi. C'est pour ça qu'on répète en fait. Voilà. Je suis sur Lyon. Mais c'est magnifique. Au moins une entrée. Voilà. Pour vendredi. As-tu ton entrée au Ninkasi KO? Non. Je vais sûrement l'avoir demain. Oh, bien. Parce que moi j'aimerais bien faire un jeu avec toi, genre je te l'offre et tout, mais t'imagines bien que je suis pas encore dans la pyramide. Bon. Non, te faillais, hein, tu peux essayer de gratter des places. Hein. 32e loge pour te faire pour ceux qui savent. Si tu les donnes, il n'y a pas de problème. Ah ben en tout cas, tu es bien gros et j'espère qu'on se verra vendredi. Comment son prénom devant lui pour l'autre. Comment t'appelles-tu? Il s'appelle Vendredi. Excusez-moi, arrêtez de parler tout pardon, en même pardon, temps pardon, parce vas-y. Que là on comprend plus rien. Comment t'appelles-tu? Antoine. Enchanté Antoine, j'espère qu'on se verra vendredi. Demande-lui comment pour le reconnaître. Parce que quand il s'appelle Antoine. Ah oui, ok. C'est plus sympa quand même. Voilà, donc, les Antoines se ressemblent. Bon bah merci Antoine en tout cas. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Et donc pour joindre Vald, vous avez vu, c'est accès direct. 06 71 74 84 15. Et en plus, à chaque fois que j'essaie de t'appeler, ça sonnait à tous les coups. Incroyable. Donc, incroyable. Oui. Ben, je suis très donc très ça veut dire que ce n'est pas encore saturé. Mauvaise nouvelle. Non. Écoute, merci à toi et j'ai envie de te dire à vendredi Antoine, de l'amour sur toi. Oui. L'univers avec toi. Passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée et puis à vendredi. À très vite. Je crois que t'as un plan sur Lyon. Bah ouais. Val, je crois qu'il y a une accroche sur Lyon, il y a un truc avec Antoine. Hein. Alors j'ai raccroché, je sais pas si je devais raccrocher. Bah si, si, c'est ton portable, tu fais ce que tu veux. Il y a personne qui t'appelle. Il y a un nouveau téléphone, je décroche. Non, bah comme tu veux. Non, bah ouais. On le fait de temps en temps, tranquillement, ouais. Dans un instant, tiens. Ou pendant la pub là, qui arrive sur Skyrock, ne bougez pas. Ah, je peux décrocher pendant la pub. Oui, quand tu veux. C'est ton portable, je te le file. Intense. Mais faut que tu me le rendes vendredi. Lourd. Okay. Ouais, je te le rends vendredi. Je me le rends vendredi. Bien sûr, c'est évident. Merci. Entre 20h et 21h sur Skyrock, c'est Val, notre invité. Qu'est-ce qu'on passera comme morceau, Val, dans quelques minutes? Ma foi, pourquoi pas un petit selfie. Un petit selfie, voilà, c'est une très bonne idée. Des rayons dans le cœur des gens. Eh bien, on peut dire peut-être un mot quand même sur ce morceau qui nous a ambiancé tout l'été, sur tous les clips. 5 étoiles. C'est magnifique. Quand ouais, c'est de l'art. Et on ne peut pas expliquer l'art. Ouais, allez le voir. Ouais, alors, exactement. Est-ce que tu conseilles une version? Par quelle version on doit commencer, en fait? Ah, faut à tout prix commencer par la version familiale, ouais. Sous peine d'avoir envie de se masturber, en fait. C'est-à-dire que si tu commences par la familiale, tu comprends que c'est un délire et du coup t'es pas là. Donc là, faut vraiment faire l'ordre, en fait. Voilà. Y a pas besoin d'attaquer directement par la troisième vidéo. Tout à fait. Ou bien tu peux tomber sur la troisième par inadvertance. Mais dans ce cas, tu comprends peut-être pas forcément la portée du message. Voilà. Enfin, inadvertance, il faut quand même taper un certain site, y aller. Ouais. Taper ton nom dans le moteur de recherche. Alors figure-toi que ce n'est pas un certain site, mais je l'ai uploadé partout. Selon les tags, tu peux tomber dessus. Donc on peut trouver, en fait. Voilà. C'est assez simple. Ouais, exactement. Tous les liens sont sous la description de Selfie 1 sur YouTube. Voilà, exactement. Parce qu'il faut vous mâcher le travail. Tout est sur la vidéo 1 sur YouTube. Et tu es bien bon pour mâcher. Très bien, ne bougez pas dans un instant. On va revenir, on mettra juste le son et c'est déjà pas mal aussi le morceau Selfie qui est un très beau titre de cet album. Merci beaucoup. Très très poétique d'ailleurs celui-ci. Que de l'amour. Et on comprend qu'on voit les images de toute façon. Exactement. On est en plein cœur. Et on est de retour dans un instant. On vous attend aussi pour passer à la roulette dans une trentaine de minutes. Appelez, inscrivez-vous. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. On revient avec Val juste après ça. 20h21h, Planet Rap Vald. Planet Rap. Skyrock. Alors, c'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Vald. Vald, on peut profiter un peu de la discussion ou pas? Pardon, bonjour. Bonjour. Enchanté. Moi c'est Vald. On peut discuter aussi ensemble ou faites un truc en perso entre vous là? On est ensemble. Ça tombe bien puisque la sortie, c'est pour tout le monde, c'est vendredi, la sortie de NQNT 2. Ni queue ni tête, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas évolué, le NQNT. Sauf si quelqu'un trouve une autre signification. Eh ben allez-y. Peut-être que j'opterai pour celle-là. Allez-y, NQNT, ça vous inspire quoi? Voilà. Un petit message avec le hashtag Vald sur Skyrock. Et on est promis avant la pub un morceau qui s'appelle Selfie. Parfaitement. En audio, il n'y a qu'une seule version, mais en image, vous êtes servi. Hein. C'est une pléiade. Il va falloir sortir le dictionnaire cette semaine avec toi, t'es chiant. Ouais. Je pense pas que ce soit le bon mot non plus. Tranquille. Un panaché de saveurs. Voilà. Le mec a fait des études. Un éventail. Ouais. Le mec a fait des études, le mec a donné des cours de maths. Un large panel. Pour nous montrer que tu es. C'est vrai, t'as donné des cours de maths? Ouais, c'est vrai. Jure. Ah ouais, la tête de ma mère. Mais à qui, tout le monde. Quelle section? Section d'assaut. Le plus grand que j'ai fait, ouais, c'était terminale. J'étais un peu en l'erga parce que ça devient pointu la terminale. Mais ouais, jusqu'en terminale. Et toi, les études, ça fait quoi alors de... Oh, ça me fait chier de parler de ça. Mais non, rappelle-nous ce que t'as fait comme études. Gros niveau. Ouais, gros niveau. J'ai fait médecine, licence maths info, j'ai une certif d'ingé son et voilà. Et un bac scientifique. Et tout ça en combien de temps là? Évidemment en un semestre, parce qu'on n'est pas des putes. Vald avec nous entre 20 et 21 et le morceau qui s'appelle Selfie tout de suite. Allez, touchez-vous les tétons. Même toi dans ta voiture. Tu peux libérer une main pour te gratter le téton. Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. Mon pied sur sa face, ça m'insulte faillette. Elle veut que je lui tire les veux, que je l'étrangle un peu. Beaucoup passionnément, à la folie si Dieu veut. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pull au vert. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pullover. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On

à Lyon. Genre, tu penses c'est normal? Alors moi, pour, sincèrement, je trouve pas ça normal une seconde. Maintenant, il en faut pour tout le monde aussi. Hein. Toi, tu travailles le lendemain, il y en a qui ont rien. Pourquoi à la culture n'aurait pas sa place le mercredi soir? Exactement. Oh, pour... J'ai pas entendu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est on enverra l'enregistrement à Alicia. J'ai une question encore. Dis-moi tout. Tu penses quoi du prénom Charles? Charles. Oh là, c'est un prénom génial. Absolument beau. C'est magnifique. Ouais. Voilà, voilà, c'est très beau comme prénom. Voilà, voilà, c'est parfaitement beau. Voilà. Sur ces belles paroles, tu vas raccrocher. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Non, non, mais parce que il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde qui appelle. C'est pour ça. Non, mais en fait, il y a d'autres appels. Je suis navré. Je dois te remettre. Ah, ouais, c'était pour gratter un album. Voilà. Bien joué en tout cas, Alicia. Alors, non, on te prend en antenne. On va te prendre en antenne. Qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà, on te prend en antenne. À très vite. Je switch. N'appuie pas. Voilà, bonne soirée. Alors bonne soirée à toi, bonne soirée, Alicia. Évidemment. Voilà. Putain, mais déjà, je me disais la semaine avec Vald, le mec alors, pour comprendre, mais les gens qui t'écoutent sont aussi, voilà, alors, sont précisés. D'un même niveau en fait. C'est-à-dire que les questions, parce que sur le concert en semaine. Non, non, c'est fort, c'est très fort. Alors, je reçois un autre appel. Allô? Non, non. Non, ça c'est le tien celui-ci. Ouais, et puis c'est la famille. Je t'embrasse fort, ma petite gueule, mais t'imagines bien que je vais pas décrocher et étaler ça à la radio. Tu comprendras. Et ça, c'est quel numéro on peut te joindre aussi? Mais ça, Voilà, la semaine prochaine. Voilà. Alors, non, mais c'est vrai que je me disais... ce qu'on se disait pendant la pub, hein, non, ce qu'on disait, c'était que les appels, ça fait chier. Envoyez des Daddy Boobs. Voilà. Évidemment, si vous êtes majeur, envoyez vos seins avec Vald dessus. Voilà. Ou NQNT2 le 25 septembre. Ce qui est pas mal, allez-y. Voilà. C'est plus simple à gérer. Avec le numéro de téléphone. C'est moins. 06 voilà. 71 74 et... 84 15. Par contre, c'est vrai que je suis halluciné par la question. Ouais, pourquoi des concerts en semaine et que penses-tu du prénom Charles? Voilà, c'est quand même c'est assez particulier. Non mais c'est bien, moi j'aime beaucoup les gens qui t'écoutent et qui ont beaucoup de questions à te poser. Exactement. N'hésitez pas, continuez. 06 61 74 84 15. Mais a priori c'est bien aussi si vous envoyez juste des SMS, c'est ça, t'es content? Ouais, des MMS. Ouais, des MMS même, c'est encore mieux. Ouais, ouais, ouais, je te présente Média de Grenoble cette fois-ci. Salut Média. Salut, ça va ou quoi? Ça va, est-ce que tu connais Vald? Bien sûr, je connais, bonjour et tout. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, voilà, c'est un des morceaux aussi de l'album. Aïe aïe aïe aïe, comme le phare, on est ensemble. Eh ouais. Bon, Média, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone? Ouais, y'a pas de problème, c'est allez, pour toi, Vald, ma gueule. Ah, c'est pour toi, Vald. Écoute. Oh, et pour Taï. Merci à toi, Média, on t'écoute. Pas de problème. Ok, Média, yeah, yeah, yeah. Je suis venu pour en découdre avec tes thèmes. Peu importe tes critiques, je mettrai le rap deuxième en quarantaine. On veut monter, je t'ai avancé, mais seul le tout-puissant sait que mon destin est tracé. Travaille des potes tellement j'ai la saline, douleur phénoménale que j'exprime à travers mes rimes. Et si chez nous y'a que des violences, c'est que on a grandi avec le cœur meurtri. Y'a que pour ma mère que j'ai grossé les merveilles du ciel, puisque le paradis est déjà sous ses semaines. C'est le frère des terres sur verre, pas tant de misère, pas de NKNC. Le vécu, le moral dans les terres de TN. Une envie soudaine de me barrer pour mieux respirer. C'est comme une envie de les malmener. Oh mec, comme jamais, au tard et servir. C'est tout est abîmé. Je suis fidèle à mes frères comme le parrain. Ramène si tu veux tant que ça se règle un par un. Pour ceux qui créent ce vin, très ou bien blessé. Si on m'a dit c'est un killer, c'est qu'on m'a escommé plus d'un décès. Arrête avec vos propagandes. Ça peu importe nos couleurs de peau, dans ce sens, plus on pense ressemble. C'est quoi ces MC qui te la pète? Ramène-moi ton rappeur, tiens les gros directs, je le mets à la tête. Blanche, t'es pas dans du tour de France pour savoir t'assumer. Toi, et de grosses pédales. Pour mon faire play derrière les barreaux. Même si tes punchlines sont comme une info, impossible de la faire douille. Avec tes mots, tu parles de Mago, mais tu ne passes comme les films de Tarantino. Ouais, tu te crois dans Scarface, mais je préfère gagner mes pesos plutôt que donner mes fesses sur le beat de ta graisse transverse. On a voulu me bloquer le chemin de la réussite avec des hertz. Je sors sur Kayo si on t'arrose et s'il pleut, c'est sûrement pour une cause. Je l'utilise, tout juste ami, c'est comme au bowling, je t'en prie. Je rentre comme un mal à terre, tes pseudo-rappeurs finissent tous en béquille. Yeah. Yes, à l'instant. Eh ben merci à toi, Média, très en forme ce soir en freestyle. Merci à toi, mon pote. Pas de problème. Eh ben ça fait longtemps que je voulais vous écouter. Hein. Petite dédicace, petit message. On peut te retrouver quelque part. Vas-y, balance les adresses. Ouais. Alors bah déjà, je viens à Paname vendredi pour venir en studio enregistrer un nouveau morceau. Oh là là. Ensuite, je fais une dédicace à moi, à mon petit frère, à Blade derrière les barreaux, à Mousse, à Kalash, à Aurel Ranson, à David. Et à ma femme aussi. Ah ouais, faut quand même. Hein. Ah bah. Et à tous ceux qui m'écoutent, à mon cousin de Priva, à tout le monde. Et à Vald, ma gueule. Merci à toi, Média, en tout cas. Chiche. Pas de problème. Bon, alors, Vald, dis-moi, est-ce que tu valides? Je valide à 100%, mec.

Mald à l'instant avec ce morceau qui s'appelle Urbanisme. L'album sort vendredi, il s'appelle Ni Queue Ni Tête, NQNT 2. On en a eu quelques propositions, il y a eu Ni Queue Ni Texte. Ouais, mais c'est... Non, c'est... Non. Aucun rapport avec la queue et le texte. Ouais, sauf si t'écris tes textes avec ta queue. Ouais. Mais... C'est poussé, quoi. C'est très poussé. Très poussé. Il y avait marqué No Qatar, No Team. Ça c'est pour les internationaux et les fans trop, de foot. Trop communautaire. Ouais, c'est trop communautaire. Donc balancez un si vous avez une idée de la définition NQNT. Ouais, j'aime bien. C'est pas mal, continuez. Avec le hashtag Val sur Skyrock. Est-ce qu'on est prêt pour le live, messieurs, maintenant? Oh, et pourquoi pas. On peut attaquer. Ah, il y a un téléphone qui sonne. C'est normal. Allô. Allez, c'est parti pour le live parce que si on... Bon, je raccroche parce que là, faut que... Allez, salut. Chiche. DJ Weedo. C'est parti avec INCH, je suis con blagaz à délégué. Hey. Ah ouais, vous pouvez pas mettre le son dans la salle. Ok. Bye bye. Ah ouais. Bon. Bye bye. Ah, puisque c'est comme ça, on va le faire tout seul. Hey. Allez, mon vieux. Ya. Yeah. Wesh, connard, désolé, je vais déchirer ta prod. Non. Là, sous la raquille, faut jamais confier ta gosse. Jamais. J'perds pas le nord, je suis à l'ouest, mais je suis méga fort. Et si je galère à écrire mon cesse, fais-moi sniffer de la colle. Merde. Pour ma vie, même si elle est hardcore à suivre. Oui. Et même que les. Choc la mif, quand ton bif s'évapore, c'est pas de bol. Et tu sens que ce mois-ci la graille ne fera que titiller la gorge. J'suis pas MC, j'peux pas rentabiliser chaque strophe. Du coup j'balance mes premiers gestes sans utiliser de capote. J'fais pas du son pour avoir plus d'affinité. C'est pas grâce à mes habiletés qu'un jour j'vais toucher le pactole. Ça c'est sûr, j'vais pas me casser le cul. J'ai eu besoin de rimes en trop pour me faire une sale répute. Tu m'as pris pour une demeure qui dégueulasse les murs. Du coup j'te conseille juste de pas marcher dessus. Non. Oh. Jamais. C'est cool, ça. INCH, ah, INCH, encore, INCH, allez, out. C'est parti, mon vieux. Okay. Redonne leur sang. Tu suces des bites pour la Saint-Valentin. Merde. On a plein le beat comme une femme enceinte. Tu serais même pas Kevra pour des Kaira dans le train. Raconte pas ta vie, c'est une histoire sans fin. Viens pas me test, tu resteras en chien. Oh. J'ai plus le temps de Guilux, je prends l'amplitude et ça fait un paquet d'années maintenant que je trempe dans ce bidule. Et de temps en temps, je me tape des petites chiennes. Mais t'inquiète, je me les branle tous les soirs sur Jackie et Michel. J'ai plus toute ma tête, j'ai teasé toute la semaine. Je pourrais me faire des rouflaquettes vu que j'encule toute la terre. Je sais pas où ça mène, mais toi t'y seras pas. Non. Bouffe ma merde si tu veux suivre ma trace. Viens pas croire que je parle encore de cocaine. Je préfère mon style à ton rap de gros dep. Oh. Je nique des bonnes femmes, des pharas. Faussettes, je termine à l'arrache. Yeah. Y'a pas de problème. INCH Instrument. Daniel, c'est DJ Weedy. Je suis comblé. Ah, sur les chapeaux de roue, les gars. J'ai des étoiles dans le crâne et de la merde dans les yeux. Je crois que l'aveugle a la tête dans les yeux. Je suis tellement dégueu que j'en deviens tout doux. Le bien et le mal, pourquoi discerner bêtement les deux? Je détiens que des bouts de boue. Dans mes couplets coule toute ma folie. J'agonise au milieu de ces poules mouillées. Ouais, je suis boursouflé et je suis rouillé. À force de chialer, la tête dans une paire de gougouttes. J'espère un coup de pouce, faudra faire du charme. Pourquoi faire du rap si c'est pour raconter tes coups de blues? Lave-toi au pouce mousse, ramène donc du flouscous. T'as une jolie bouille, amène ton boule, je te paye une trace. C'est que c'est une tragédie, gros, ici y'a pas. Surtout n'oublie pas, je t'ai dit ce qu'il faut, c'est du cash. On traîne à côté du DAS, prêt à frotter une tasse pour que le génie sorte. Et j'ignore quelle idole est ignoble. J'entends tout un tas de discours à la con, à croire qu'ils recherchent leurs paroles. Assis soit à la pompe. Comment tu veux que je m'en sorte? Y'a 10 bavures de rip ou à la seconde. Tu verras qu'ils sont nombreux, tous ceux qui prient pour Calaton. Mon autre âme attend avec le diable. Si je reste les bras ballants, c'est que j'aime le marbre. Ta gueule, des molotovs et je vois des charlies partout. Vu monochrome, vie monotone, puis ça joue les Lolita. Qui adore tirer de jolies cartouches au milieu de ses cartoons. Je crois qu'il y a trop d'images, donc j'enlève mon sonotone. À la salle comme Robocop. Un poil qui colle au torse et c'est encore une pauvre conne qui en profitera. Ah. Ça joue les martyrs imaginaires. Pourquoi qui m'a giflé? Tout le maquillage d'hier coule sur tes gros nibards. Tous parlent de s'agiter doucement, les gars, j'hiberne. Tous ces coups de bull moon sont des balivernes. Je suis qu'un alien calibré pour pas plier. Ne priez pas pour moi car moi je n'aime pas les happy end. Trou de balle sur la putette, c'est du NQNT. C'est ce qu'il fallait démontrer à tous ces smileys. Bye mec, je te laisse te faire consommer par le net. T'es pas un clébard, attends un peu de signer chez Barclay. Maclès dit, m'a dit Matt Meski. Je lui dis, c'est quoi les bails? Il me dit, t'es ma comme je suis en high def. C'est plus sur la fin du monde. Les scientifiques aussi ont les consignes, c'est le continent et ses habitants par terre. On vous laisse des scalpels, des pioches et un tas de pelles. Des proches et des gars d'Elmarais pour vous faire marrer. Attendez la marée pour pouvoir vous noyer. Cela dit, n'oubliez pas la petite clé sous le parc maître. État d'esprit dans le der, j'étais mal à présidence. Assigné à résidence pour avoir voulu shooter dans l'air. Et ça me fait pouffer en vrai, mais c'est très gênant. T'as pris des coups, tu fuis tes doutes, tu finis tout. Et dans tes questions de savoir de quel côté tu te places. Réponse je leur fais une crasse avec propreté. Je pensais vraiment qu'il me manquait une case. Effectivement, c'était évident qu'il faudrait que tu te casses loin d'ici. Car dans la foule, tout devient invisible. En gros, tu pèses le poids d'une plume au milieu d'une masse. INCH. Eh ouais, Feur. Te fa signaler, Feur. Putain. Feur. Signaler, bordel. Feur. Feur. Feur. Chiche. Feur. Chiche. Feur. Chiche. Feur. Chiche. Feur. Feur. VALD. Sous tes guibolles, la terre s'ouvre. Mes bras sortent. Sortez fond des WAD. Ouais. Ouais. Mes bras sortent et font des WAD. Et sortent et font des WAD. Des putes. Ouais. Qui? Sous tes guibolles, la terre s'ouvre. Mes bras sortent et font des WAD. Trop de merde dans ton corps qui s'écrie et pondez-moi. Ton âme, la pute, qui s'écrie fécondez-moi. Dame nature qui font en larmes. Les humains qui font des lois. Retiens ma pipe, déconce les cartes. Retiens ma bite, défoncez le toit. Vite, vite, retiens-moi, je tire. Je regarde la vie entre mes doigts. Je voile des monts, des fois, je lâche des greux à fragments. Grosse monde des barres, mais je craque pas sous la pression. Magma sous la mèchon. Fracasse toute la légion avant que je ramène ma face. Tout allait bien. Ma fac, tu la raison. Sale fac, t'es la bestiole sur l'asphalte. Y'a que du royaume d'Agartac. Je veux l'adhésion. J't'envoie mes meilleures ondes. Dans le fond, j'suis tellement bon, j'suis pas smoji. Player blond, j'rôtis. Entre les bombes, j'claudique. Jamais j'ai honte, pauvre type. J'profite avant les profits, j'fais mon possible pour mon possi. Mon poussin, j'en roule un comme Jean Moulin. Y'a pas que de l'eau dans mon moulin. J'lâche un molard pour les moulas. Ma porte, et bien des choses sauf la moula. Mouler mes poches, moule deux fois ce fut mou. Moule deux fois sans fumer. Enculé, j'suis plein d'amour, plein d'atouts. Sur mon cœur et sur mon cul. Un blindage rouillé, feinte la foule, fin. J'ai faim de vie comme un défunt. Plein de vis comme un médecin. J'suis craintif comme un essaim. J'inspecte comme un médecin. Merde, vous êtes des insectes, pas des terriens. J'sais que tu veux m'arrêter, viens. Mec, tu peux, pareil que c'est rien. J'fais tout ce que j'peux pour être serein. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Nique tout tes middle trout. De bite toute petite bouche. J'rappe comme les Beatles ou les Zwinkelschfour. Nique des rimes de bourge qui plient le cou. NQN, t'es pire que tout. Fils de pouf, l'empire te chouffe hein. La France est dépressive comme un aria tressé. Avec le temps, les spectres rétrécissent. Ça sert à quoi de stresser, ma secte est réceptive. Mon sperme est sélectif. Depuis que les BA bâche est maîtrisé. Je fais que briser LDVA, ça devient prisé. Des dizaines veulent sympathiser. Mes seins pointent comme les pyramides de Gizeh. Je casse une guinze, roule un terre très très aiguisé. Qu'importe l'heure, jamais déguisé. Frère, est-ce que c'est pigé? Des putes et des putes. L'air, le champ de mon viseur. Ton embryon de carrière dans mon freezer. Snitch, c'est quoi le message R? NQNT n'est que présage, frère. La première taille pas au pressage. Comme les guerres, toutes mes mères traversent les âges. J'brave ce game de brave. Web, Jacques Monzen vers les astres. Van, des putes et des putes. Des putes et des putes. NQNT le 25 octobre. Le 25 octobre. Septembre. Septembre, oui, septembre, septembre, septembre. Hé, hey, c'est le 25 septembre, la famille. Vendredi, quoi. Ah, je me disais, des putes et des putes. Je me disais, merci pour la petite virgule musicale, mais je. Non, je me disais 25 octobre, il y a quoi? Il y a une sortie, il y a un truc. Ouais, ouais, c'est raté. C'est raté. Promo. Grosse promo. Ça, c'est fort, ça. Le 25 janvier. Ça arrive le 25 janvier. En bleu sang, la famille. Non, c'est bien vendredi la sortie de NQNT. Dans tous les Lidl. Deux. Au rayon lait. À l'instant, merci en tout cas, messieurs, pour ce live. Écoute, c'est très haut niveau pour un lundi. Alors, je tiens à préciser. Je peux te dire qu'on fera jamais plus fort. Ouais, c'est ça. J'ai envie de me dire, il va falloir tenir demain. Autant l'annoncer. Ouais, autant l'annoncer. Moi, je viens pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah donc t'as fini la semaine en fait. Voilà. D'accord, t'es en week-end. Non, je viens demain. Allez. Bon, allez demain, on fera peut-être un petit live encore demain. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. Ne bougez pas, c'est Val, notre invité tous les soirs de la semaine. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Julien de Nantes, salut Julien. Salut. Ça va bien Julien, je te présente Vald. Ouais, salut Vald. Eh ben écoute, salut. Vald, c'est Julien de Nantes. Salut Julien de Nantes. Qui vient faire tourner la roulette. Tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Et la roulette qui s'arrête pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà le jeu PES 2016 avec pour toi aussi place de ciné pour les voir. Chiche. Transporteur héritage et non pas une ni deux mais quatre places de ciné directement. On t'envoie ça à la maison. Ça merci à toi Julien, passe une bonne soirée. Merci. Ciao ciao, merci Val pour cette première soirée. Écoute, dans le merci Planet à toi, Rap. J'aimerais juste prévenir tous les Nantais que le 28 novembre nous sommes chez eux. Et ce n'est pas encore écrit en fait sur le fly. Donc, mais c'est, mais 28 c'est un novembre, voilà. 28 novembre c'est sûr. C'est la seule qui n'est pas encore écrite. T'es sûr sur les dates parce que tu m'inquiètes sur les dates un peu. C'est novembre la famille. C'est novembre. Ouais, c'est novembre. Ouais, c'est novembre. Ouais. La sortie de l'album, hein, Adé. La sortie de l'album, c'est le 25 octobre. Septembre, septembre. Ouais, ouais, non, non. C'est, mais par contre, les Nantais. Qui s'y connaît en les Nantais. Le 28 novembre. Et les Nantaises. Et les Nantaises, évidemment. Ouais. Pas de discrimination. Voilà, le 28 novembre, on est chez vous et c'est pas encore écrit dessus, mais on va mettre à jour. On est là pour ça aussi. Et bah, toute la semaine, on va faire la mise à jour. Évidemment. Toute la semaine. Et par contre, donc, vendredi, a priori, il sort. Hein. Vendredi, là. Hein. A priori, c'est celui-là que ça sort. Ouais. Teufa, toi qui t'y connais en date. Et, vous pouvez déjà 25 septembre, vendredi 25 septembre. Ça, c'est un truc de producteur. Voilà. Le mec est bon en rap, mais la promo, laisse-nous faire. J'ai pas encore le petit doigt dessus. Ouais, t'as un petit problème là-dessus. Ouais. Donc là, 25 septembre, sortie d'NQNT2. Merci Teufa d'être passé aussi. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être signaler quelque chose d'important autour de Vald. Bah oui, envoyez-lui des selfies là sur son téléphone. Ouais, c'est NQNT2 dans très important. Mais non, mais tu sais, les selfies avec marqué NQNT2 là, trouvez des bonnes idées et tout. Trouvez la date de sortie. Voilà, on va les poster sur le site de Vald. Voilà. Et bah très bien, donc bombardé de messages. Merci. J'aimerais attirer l'oreille de l'audimat sur mes compères qui sont vraiment pas des branle-couilles. Donc voilà, c'est tu veux commencer par lequel des deux? INCH. Donc vous voulez retrouver les deux avec ça, avec INCH et Succombe Lazadé. Voilà, je sais pas, j'ai trop d'amour pour eux, ils sont trop forts, j'adore. Ah, c'est réciproque. C'est réciproque. Chiche, moi je te le dis. Et vous avez oublié de big up Tunisiano là, qui est là. Ah, ouais, oui, qui vient d'arriver, on l'a vu arriver, on l'a vu arriver. Mon partenaire dans cette aventure. Sur le moment du freestyle, ça va bien, Tunisiano. Je suis arrivé, j'étais en train de bosser, j'étais en train de freestyler dur. Je me suis dit, bon, je vais rester. Mais tu vas repasser dans la semaine. Ouais, bien sûr. Normal, demain je suis là. Demain, tu seras là à l'heure, on retrouvera donc Tunisiano. Le 25 octobre, je vais aller pêcher l'album de Val. Il sera en vente aussi. Donc, ah, mais t'auras deux mois d'avance parce qu'il sort le 25 décembre. Merci à vous tous, merci Vald, merci à vous messieurs, merci à Teufa d'être passé aussi ce soir. Et on se retrouve donc demain un petit peu avant 20h pour le Planet Rap avec Vald. Difool, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es connecté? Bien sûr, bah oui, on a écouté toute l'émission. Donc, bah, tu vous l'avez reçu Vald il n'y a pas très longtemps. Bah, il est passé. Oui. Alors, ça va Vald? Ça va bien et toi-même? Bon, on avait passé une belle soirée quand t'étais venu nous voir. Parfait. Ah bah, c'est un sacré ambianceur. Hein. Un peu, hein, t'as vu. Hein. Mm. Tu vas en profiter toute la semaine, Fred. C'est parce qu'il n'était pas tout seul. Oui, c'est vrai qu'il était venu accompagner. Oui. Bien sûr. Parce qu'il a des copines sympas, Vald, en plus. Aussi. Bon, à pas louper. En plus, t'en profites toute la semaine, Fred. Jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi, ouais. Jusqu'à vendredi 25 février, puisque la sortie de l'album, c'est le 25 février. Il va rester pendant 6 mois. Bien sûr. Bravo. J'ai bien noté. Hein. NQNT. NQNT pour 2, mais le 2, n'oublie pas le 2. Le 2, bah oui, le 2. Parce qu'on oublie un peu trop le 2, mais c'est déjà le 2. Ben, on n'oublie pas alors. Donc voilà, NQNT 2. Le retour demain, Vald, merci à toi pour cette heure sympa qu'on a passée avec toi. Ah bah, merci regarde, à toi. C'est bien, il y a des jolis messages. Gros big up à Vals. Salut Manu. Manuel Vald. T'as pas la même coupe. Pour la peine, il aura le droit à sa punch demain. Demain, non, c'est Vald, VLD. C'est Vald sur Skyrock à pas louper tous les soirs. Rendez-vous ou demain. Le Vlad. Aussi, il adore Vlad. Ça, on a dû lui faire souvent. Hein. Ah ouais, je pense. Ça, c'est ma hantise d'ailleurs tous les soirs. C'est un classique. Pour me planter tous les soirs. Merci Vald. Merci. À bientôt, merci Tunisiano. Merci Teufa aussi. Ouais. Ah ouais, bisous et à vous. Fredo, bisous à tous. Évidemment. Ciao. À demain. NCH qui était là aussi avec nous ce soir. Et puis, on arrive là tout de suite. C'est parti pour la radio libre en direct. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous voulez parler de n'importe quoi. Vous y allez, vous profitez. Vald a testé. Vous pouvez tester vous aussi. Allez-y, 01 53 40 30 20. Si vous arrivez à un truc, si vous êtes allé au match de l'OM contre l'OL hier et que vous avez 2-3 mots à nous dire là-dessus, allez-y, on est là jusqu'à minuit sur Skyrock Radio Libre. Et ben c'est parti dans un instant avec Floraida et I Don't Like It. Et Robin Thicke. Et Robin Thicke aussi, ouais. C'est parti tout de suite sur Skyrock Radio Libre jusqu'à minuit. Ciao, ciao, ciao. Premier sur le cash. 1500 euros pour toi, Sandrine.